22 14, activation dictée, communication téléphonique. Écoutez et complétez, vous entendrez chaque passage trois fois. La ligne est mauvaise. Allô, oui? Mireille? Ah, n'écoutez pas. Je vous la passe. Allô? Allô? Allô? Ça va très mal. Écoute, raccroche et je te rappelle. Allô? Tu m'entends? Allô, oui? Mireille? Ah, n'écoutez pas. Je vous la passe. Allô? Allô? Allô? Ça va très mal. Écoute, raccroche, je te rappelle. Allô? Tu m'entends? Allô, oui? Mireille? Ah, n'écoutez pas. Je vous la passe. Allô? Allô? Allô? Ça va très mal. Écoute, je rappelle, je te rappelle. Allô? Tu m'entends? Message secret. Allô? Mireille? Ah non, elle n'est pas là. Est-ce que vous voulez laisser un message? N'écoutez pas. Allô, oui? C'est quoi le message? Le tailleur dit bonjour à l'infirmière et à l'actrice. Ben, je lui donnerai le message. Allô? Mireille? Ah non, elle n'est pas là. Est-ce que vous voulez laisser un message? N'écoutez pas. Allô, oui? C'est quoi le message? Le tailleur dit bonjour à l'infirmière et à l'actrice. Ben, je lui donnerai le message. Allô? Mireille? Ah non, elle n'est pas là. Est-ce que vous voulez laisser un message? N'écoutez pas. Allô, oui? C'est quoi le message? Le tailleur dit bonjour à l'infirmière et à l'actrice. Ben, je lui donnerai le message.